بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le dimanche 29 ذو القعدة de l'année 1440 de l'Égir, correspondant au 18 juin 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble ces cours au sujet du pèlerinage, le pèlerinage à la Mecque. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques objectifs du pèlerinage. Avant tout, et le premier but de toutes les adorations, notamment le pèlerinage, c'est la concrétisation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est très manifeste dans le pèlerinage. Car le pèlerinage, on l'appelle le voyage de l'unicité d'Allah. Comme ça a été rapporté dans Hadith Jabir radiallahu anhu, Hadith le plus important dans l'étude du pèlerinage. Dans ce Hadith, Jabir radiallahu anhu, quand il a décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Il a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a commencé avec التوحيد. يعني il parle de quand il a commencé le pèlerinage. Il a dit, il l'a commencé avec Tawhid, en disant, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Donc il a appelé cette formule التوحيد. Et ça démontre la compréhension qu'avaient les compagnons radiallahu anhum de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, cette telbiya, elle comporte les trois catégories de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité dans l'adoration, dans la seigneurie et dans les noms et les attributs. Et comme vous savez, on peut aussi dire que l'unicité d'Allah est de deux catégories. La première, c'est l'unicité pratique. C'est l'unicité pratique qui est l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire, tu unifies Allah avec tes actes d'adoration. Tu lui voues exclusivement tous tes actes d'adoration. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle l'unicité scientifique, at-tawhid al-ilmi, qui va englober les deux catégories précédentes, à savoir l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Et ces deux catégories d'unicité représentent une science que tu dois connaître au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois y croire et l'affirmer comme elle t'a été révélée. L'unicité de la seigneurie qui est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala avec ses propres actes et de croire qu'il est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique roi suprême et ainsi de suite. Ça, c'est l'unicité de la seigneurie. Et l'unicité des noms et des attributs, c'est d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué lui-même comme nom et attribut, ou ce que son messager, alayhi salam, lui a attribué. Et de croire en ces noms et en ses attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se limiter à ce qui a été révélé, et de les affirmer sans falsification, ni modification, ni mauvaise interprétation, ni reniement de leur sens. Quand t'apprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend tout, tu dis Allah entend tout réellement. Le comment, on l'ignore. Et ça, c'est valable pour tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la méthodologie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dans cette partie très importante de Tawhid, dans laquelle il y a eu beaucoup d'égarements chez les sectes, notamment l'Asha'ira et l'Maturidiyya, et ainsi de suite. L'Asha'ira, contre lesquels je vous mets en garde, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Car en France, c'est un phénomène nouveau, l'apparition de prêcheurs jeunes qui appellent à l'ash'arisme. Et ça, c'est un phénomène qui n'existait pas avant, en France. De trouver des jeunes qui sont nés en France et qui ont grandi en France et qui ont adhéré à cette secte égarée dans le domaine de l'aqida, dans le domaine de la croyance et du dogme. Et bien évidemment, comme ces gens-là, à leur tête, Mohamed Nadir, s'est égaré, contre lequel il faut être en garde, il faut mettre en garde les gens de l'écouter, car il est très dangereux, qui appelle, bien évidemment, j'ai dit, ces gens-là, comme ils savent que la plupart des jeunes en France, aime la sunna et aime la salafiyya, il vient pas directement en les appelant al-ash'ariyya, mais il commence petit à petit sur un travail de plusieurs étapes jusqu'à ce qu'il s'attache à leur personne, aux personnes de ces prêcheurs, et après ils les font tomber dans ces égarements. Dernièrement, j'ai vu qu'il a dit pour la première fois ouvertement que l'Ash'ariya, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Avant, quand il était interrogé au sujet de son Aqida, il disait, je suis sur Aqida, Ahl Sunnah wal Jama'a. Ceux qui le connaissent, ils savent très bien qu'il est Ash'ari. Lakin, il n'osait pas le dire. Maintenant, avec le grand nombre de suiveurs, il s'est senti en confiance et que maintenant, il peut le dire. Il craint rien. Wallah al-Musta'an. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le ramener à sa raison, lui ainsi que tous les égarés, et de nous maintenir sur la voie de notre prophète alayhi salatu wassalam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est pour ça, n'écoutez pas tous ceux qui appellent à la religion, sous prétexte qu'ils appellent à la religion et qu'ils citent des textes. Et aussi ces gens-là, ils ont un point qui les distingue de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est leur fanatisme à Al-Madhab al-Maliki. Alhamdulillah, on suit le Madhab al-Maliki, on étudie le Madhab al-Maliki, mais on n'a pas de fanatisme. On n'a pas de fanatisme pour qui que ce soit, après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et les madhahib, c'est un moyen pour étudier Al-Fiqh, tout simplement. C'est pas un objectif en soi-même. Mais c'est un moyen d'apprentissage. Tant que ça reste dans ce cadre-là, il n'y a pas de mal à adopter un madhab et à étudier selon les règles de ce madhab. Et ça, à notre époque, ça peut être quelque chose de nécessaire. Mais ces gens-là, ils profitent de le madhab pour appeler les gens aux égarements, que ce soit le sophisme ou l'ash'arisme. Et ils ne prennent de l'imam Malik, ce grand imam de Salaf, que nous, on le respecte comme il se doit. Mais eux, ils le respectent pas. Parce qu'ils l'acceptent pas comme imam dans le domaine de l'aqida. L'aqida, ils disent, nous, on suit l'Ash'ari. Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est pourtant revenu à l'madhab de l'Al-Sunnah wal-Jama'a vers la fin de sa vie. Mais eux, ils acceptent pas ça. Taïb. Et ils le prennent pas non plus comme imam et comme modèle dans le domaine de Zuhd et de, du délaissement et l'ascétisme, le délaissement de ce bas monde et l'ascétisme, c'est pas un imam. L'imam, c'est Al-Junayd. Alors que Al-Sunna wal-Jama'a, pour eux, l'imam Malik, c'est un imam dans tous ces domaines. À commencer par l'aqida, bien avant le fiqh. Dans l'aqida tout d'abord, qui est le sujet le plus important de l'islam. L'imam Malik était un imam dans l'aqida. Il était sur aqida Al-Sunna wal-Jama'a. Il affirmait à Allah subhanahu wa ta'ala tous les attributs qu'il nous a révélés dans le Coran et dans la Sunna authentique. Réellement, en comprenant le sens que les Arabes comprennent de ces noms et ces attributs, et en déléguant le comment de ces noms et ces attributs, de ces attributs plutôt, à Allah subhanahu wa ta'ala, car il ne nous l'a pas fait savoir, le comment de l'attribut. Et de lui est rapportée la parole très célèbre, quand il a été interrogé au sujet de l'istiwa, l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, il a dit « al-istiwa ou ma'loum ». L'établissement est connu, les Arabes ils comprennent ce que ça veut dire, il s'est établi, il s'est élevé au-dessus. Il s'est établi, il s'est élevé. Ils connaissent le sens. Donc nous quand on dit « Allah s'est établi », c'est-à-dire « Allah s'est élevé ». Au-dessus du trône. Et Allah, il n'est pas comme ses créatures. Un roi, quand il s'établit sur un trône, il a besoin du trône. Le trône, il le porte. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a besoin d'aucune de ses créatures. Mais il s'est élevé au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Al-istiwa'u ma'loum. Wal-kayfu majhoul. Et le comment est ignoré. Car Allah nous l'a pas informé, nous l'a pas dit, nous l'a pas révélé. Comment nous on peut connaître quelque chose d'Allah alors qu'on ne l'a jamais vu? Et Allah n'a pas de semblable pour voir son semblable et faire des analogies. Et il nous reste un seul moyen d'attribuer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la révélation. C'est le seul moyen. Le Coran et la Sunna authentique. Donc, le comment est ignoré. Mais il y a un comment. Nous on ne le connaît pas. Et c'est un comment qui est adapté à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui convient à sa sublimité et sa magnificence subhanahu wa ta'ala. Mais on le connaît pas. Et on sait que ce comment, il est pas comme le comment de la créature. Donc on a la certitude qu'il existe un comment. On a la certitude que ce comment n'est pas comme celui des créatures, et on l'ignore. C'est comme ça, Al-Sunna wal-Jama'a, l'imam Malik était sur ça. Il a dit, l'istiwa ou ma'loum, wal-kayfu, majhoul, ou ghayru ma'koul. Ça a été rapporté de lui, et d'autres salaf également, qu'ils ont dit que le comment ne peut pas être yani, compris avec la raison qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne nous a pas été révélé parmi les sagesses. On n'est pas capable de saisir ce comment. Et de demander au sujet du comment d'Allah, c'est une innovation. Car cet homme, c'était le premier à avoir posé une question sur le comment d'Allah. Et l'imam Malik, avant de répondre, il a sué, il a transpiré, il a baissé sa tête longuement. Tellement c'était choquant pour lui et grave ce qu'il vient d'entendre comme question. Cet homme a posé une question qu'il fallait pas poser. Et les gens, ils avaient pas ces ambiguïtés pour poser ces questions. Les gens avant, ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par ses noms et ses attributs et que c'est comme il correspond à sa grandeur et sa majesté et qu'on connaît pas le comment. Et d'avoir foi en ses noms et ses attributs est une obligation. Naam, c'est une obligation, car c'est dans le texte, les textes de le Coran et de la Sunna. Donc, soyons en garde contre ces égarés qui forment un groupe, alhamdoulilah, ça permet de les connaître. Ils font des activités ensemble, donc tu sais qu'ils sont tous ensemble. Après, comme le manhaj de l'Ikhwan, c'est pas forcément tous, ils ont l'Ash'ariya ou tous, ils ont le soufisme, mais ils ont tous la méthodologie de l'Ikhwan. Ils s'entraident dans les choses, ils sont en accord, et chacun ferme les yeux sur l'autre, sur les points dans lesquels ils sont en divergence. Comme bien même ces divergences, ça touche à l'aqida. Et ça, c'est pas toléré chez Al-Sunna wal-Jama'a. Donc, Jabir radiallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par At-Tawhid. Il a entamé son pèlerinage avec At-Tawhid qui est Talbiya. C'est-à-dire, il a haussé la voix en répétant cette formule de Talbiya. Et Talbiya, comme j'ai dit, elle comporte les trois catégories de Tawhid. Et ça, c'est pour montrer aussi, Jabir radiallahu anhu, il voulait montrer à ceux à qui il a rapporté ce hadith que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est distingué de le mushrikin dans leur Talbiya. Car dans leur Talbiya, il y avait du shirk. Et le Nabi alayhi salam, il a commencé avec Tawhid. Et non pas comme le mushrikin faisait. Comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit, كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. نسأل الله السلامة والعافية. Donc, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit que le mushrikin, quand ils faisaient le pèlerinage, ils ont gardé le pèlerinage. Parmi ce qu'ils ont gardé, des adorations de la religion de Ibrahim, alayhi salam. Car avant, les Arabes dans la péninsule arabique étaient sur la religion de Ibrahim, alayhi salam. Sur le monothéisme pur. Jusqu'à ce que le premier tome qui a changé la religion des Arabes dans la péninsule arabique, qui est Amr ibn al-Hayy al-Khuza'i, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a vu en enfer, il l'a vu en enfer, et c'est le premier homme qui a changé la religion des Arabes, qui était sur la religion de Ibrahim alayhi salam, et il a introduit des statues et des idoles qu'il a trouvées dans la région de Sham. Il est parti là-bas en voyage, il a vu ses idoles et comment il les vénérait. Il a bien aimé cela. Et comme c'était un homme très aimé, très respecté, à Mecca, il leur a ramené ses idoles, il les a appelés à les adorer. Et chaque tribu a pris une idole qu'elle vénérait un jour dans l'année. C'est pour ça qu'il y avait autour de Kaaba, il y avait autant de statues que de jours dans l'année. Chaque tribu avait sa journée dans l'année, elle venait pour vénérer son idole et sa divinité prétendue. Et ça, c'est, il y avait des intérêts économiques dans cela. Il y avait des intérêts économiques, yani ça faisait fructifier le commerce des Mécois, car ils leur imposaient de faire tawaf avec des vêtements qu'ils achètent là-bas, et non pas les vêtements qu'ils ramènent de leur pays. Et celui qui n'avait pas de vêtements, il devait faire tawaf nu. Même une femme. Même les femmes, elles devaient faire tawaf nu. Et elles couvraient uniquement leurs parties intimes. Donc pour voir, mes frères, comment la personne, elle peut être sur la vraie religion, et elle peut être déroutée par Shaitan petit à petit jusqu'à arriver à des choses très loin de la religion de base. Comme c'était le cas de Kuffar Quraysh. Ils étaient sur le monothéisme pur. Et ils disaient, labbayk Allahumma, labbayk la sharika lak. Jusque là, c'est bon. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il les entendait dire, labbayk la sharika lak, il disait, malheur à vous, tenez-vous à cela. Yani, arrêtez-vous à ça. La sharika lak. Je réponds à ton appel, tu n'as point d'associé. Jusque là, c'est du tawhid. Et après, il disait, illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, à l'exception d'un associé qui t'appartient. Tu le possèdes ainsi que ce qu'il possède. C'est des contradictions et va comprendre ce qu'ils veulent dire par cela. Yani comment Allah n'a pas d'associé et après il a un seul associé et cet associé, donc c'est une divinité. Mais Allah, il appartient à Allah. Et Allah, il le possède ainsi que tout ce qu'il possède. Ça veut dire que cette divinité, elle possède également. Mais tout, elle et ce qu'elle possède appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, al-shirk, ça rend abruti. Et ça rend bête. Et tawhid, ça rend intelligent. Tu peux trouver quelqu'un qui est très intelligent dans des domaines mondains, mais yani, il ne se pose même pas des questions basiques. Comment rapporter certains médecins qui fréquentent des médecins kuffar, très brillants dans leur domaine, ils se sont jamais posé la question, qu'est-ce qui va se passer après la mort? C'est des questions qui leur font peur. Ce frère, il m'a dit que quand il abordait avec eux ces sujets, les sujets de la mort, les sujets de la tombe, ils étaient effrayés. Ils comprenaient pas pourquoi ils pensent à ça. Comment tu peux adorer une pierre? Comment tu peux adorer une créature comme toi? Comment tu peux adorer quelqu'un de faible et qui est lui-même dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser l'adoration d'Allah seul? Alhamdulillah qui nous a guidés vers cela. Et on n'a pas été guidé par notre intelligence, on a été guidé par pur bienfait et par pure miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons de prendre notre âme dans l'unicité d'Allah pure. Il répétait cette talbiya en tournant autour de l'Kaaba, en faisant tawaf. Et tu remarqueras que dans Talbiya, des gens de Tawhid, Talbiya des muslimines, que la phrase « La sharika lak, tu n'as point d'associé » a été répétée deux fois. La première fois, après avoir dit « Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak » trois fois labbayk après la sharika lak. Donc, après avoir montré ta soumission à Allah, et que tu réponds à son appel, et que tu lui voues l'adoration à lui seul d'une manière exclusive, tu l'as affirmé en disant « La sharika lak ». Tu n'as point d'associé. Donc tu n'as point d'associé dans la divinité et dans l'adoration. Et ensuite, ça a été répété après « Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak ». Donc, ça a été répété une deuxième fois, après avoir affirmé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala scientifique, qui est l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans les noms et les attributs, tu dis les louanges et les bienfaits, tous t'appartiennent à toi seul, ainsi que la royauté. Ça, c'est l'unicité de la seigneurie, des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La royauté, c'est un attribut d'Allah. Et le roi, c'est son nom. Après l'unicité scientifique ou l'unicité dans les noms et les attributs et la seigneurie, tu dis encore une deuxième fois « La sharika lak ». Ça, c'est encore une fois une affirmation de l'unicité d'Allah. Après l'avoir affirmé une fois, tu confirme ce sens-là en disant « La sharika lak ». Tu n'as point d'associé. C'est-à-dire, tu es le seul qui mérite d'être adoré. Et tu n'as point d'associé dans ton adoration. Et tu es l'unique seigneur, l'unique souverain. Et l'unique dans tes noms et tes attributs. Et tu n'as point d'associé dans tous ces sens-là. Allahu Akbar. Regardez une formule. Cette formule, c'est le slogan, c'est l'emblème du pèlerinage. C'est ce que tu répètes dans le pèlerinage le plus souvent. Et ça comporte at-tawhid. Donc, c'est pas étonnant que le pèlerinage soit appelé le voyage de l'unicité. Car tu vas vivre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière forte. Peut-être comme tu l'as jamais vécu auparavant. Et il n'y a pas de doute que l'unicité d'Allah, c'est le plus grand de tous les objectifs du pèlerinage, d'une manière absolue, comme c'est le cas pour toutes les autres adorations. Car Allah n'accepte pas qu'on lui donne des associés dans son adoration. Et la meilleure chose avec laquelle tu puisses adorer Allah, c'est son unicité. Comme le Nabi Aïssa wa sallam a dit, « Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk » Le Nabi Aïssa wa sallam a dit dans le hadith qui rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith divin, Allah Azza wa Jalla dit, « Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk »« Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah » Donc, dans le sens, Allah il dit, je suis celui qui se passe le plus des associés. Et qu'on lui donne des associés. Celui qui fait un acte dans lequel il accorde à Allah un associé, il donne à Allah un associé, Allah l'abandonnera lui ainsi que son acte. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte que les actes qui ont été faits sincèrement pour lui, exclusivement pour lui. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Dans le sens approximatif, dit, Allah, il ordonne à son prophète, alayhi salam, de dire aux gens, dis, ma salat, mes œuvres de dévotion, ma vie et ma mort revient à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a point d'associé. C'est l'ordre qui m'a été donné, et je suis le premier des soumis. Le Nabi, alayhi salam, est le premier des soumis dans cette communauté. Et il est le premier dans le mérite de toute l'humanité. Il est le premier dans cette communauté, le premier qui s'est soumis à Allah et qui l'a adoré avec l'unicité, et le premier d'une manière absolue dans le mérite et dans le degré, le meilleur des soumis à Allah d'une manière absolue. Alayhi salatu wassalam. Même Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les hommes et les djinns que pour son adoration. Allah Azza wa Jalla dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ » Allah dit « Je n'ai point créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Allah nous a créés uniquement pour son adoration. Et son adoration, c'est avant tout « At-Tawhid ». Et sans tawhid, Allah il n'accepte aucune adoration. Et aussi, l'adoration d'Allah avec tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah a dépêché tous les prophètes et messagers. Allah Azza wa Jalla dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Allah dit dans le sens approximatif, nous avons dépêché dans chaque communauté, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur ordonne d'adorer Allah exclusivement et de s'écarter de Tarout. At-Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala également a révélé les livres pour son tawhid et pour l'adorer seul et ne rien lui associer. Et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alif lam ra huruf muqatta'a, c'est un livre dont les versets sont parfaitement éloquents et clairement détaillés de la part d'un sage tout informé, Allah subhanahu wa ta'ala, afin que vous n'adoriez qu'Allah, car je viens vers vous de sa part pour avertir de son châtiment et annoncer sa récompense. Regardez comment c'est clair. La sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres, c'est pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adorer seul et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala également nous a informé qu'il a créé les cieux et les terres uniquement pour Tawhid. Dans Sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Dans le sens approximatif, Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Dans le sens approximatif, votre Seigneur, c'est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis s'établit avec une infinie majesté sur le trône pour régner toutes choses. Il ne peut y avoir d'intercesseur sans sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Adorez-le donc, c'est-à-dire adorez-le donc seul et exclusivement, et abandonnez tout ce qui est adoré en dehors de lui. Adorez-le donc, ne méditerez-vous pas. Yani, un appel à méditer cela. Allah a créé les cieux et les terres, les sept cieux et les sept terres, afin qu'ils soient adorés, subhanahu wa ta'ala, seul. Également, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage, parmi ses objectifs, c'est l'obtention de la réussite et d'être parmi les gens du paradis et de se sauver de son châtiment et du feu de l'enfer. Ça, c'est également parmi les objectifs du pèlerinage, comme toutes les autres adorations. L'invocation d'Allah est de deux catégories. Tu l'invoques explicitement, tu dis « Allah, donne-moi ». Tu l'invoques implicitement en accomplissant son adoration. Tu fais salat, tu jeûnes, tu fais le pèlerinage, c'est une invocation, mais implicite. Tu demandes à Allah le paradis et qui te préserve du châtiment de l'enfer. Nabi alayhi salatu wa salam a dit: Al-hajj al-mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Le pèlerinage accepté n'a de récompense que le paradis. Sa récompense, c'est le paradis. Et quelle immense récompense du pèlerinage qui réunit les conditions, qui est fait avec des dépenses halal et qui est fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna de son prophète, alayhi salatu wa salam. Nabi alayhi salatu wa salam a dit également, Al-hajj yahdimu ma kana qablah. Al-hajj est une expiation de tout ce qui l'a précédé, comme l'hijra, comme l'entrée en islam. Il a ce mérite. Et ça, je pense que je l'ai déjà expliqué, les conditions dans lesquelles Al-Hajj est une expiation de tous les péchés précédents. C'est quand la personne qui s'apprête à accomplir le pèlerinage, elle rend les droits aux gens à qui elle a fait du mal, elle leur demande pardon, ou elle leur rend les choses qu'elle a pris d'eux, ou elle leur, demande au minimum de lui pardonner. Et elle se repent à Allah de tous ses péchés. Et elle met l'intention de rester ferme sur se repentir. Quand cette personne, elle fait ça, et elle accomplit son pèlerinage, effectivement, elle revient de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde, sans aucun péché, ni grand, ni petit. Les petits, parce que le pèlerinage absout tous les petits péchés. Et les grands, parce qu'elle a fait at-tawba. Et les droits des créatures, parce que elle leur a rendu leurs droits, ou elle leur a demandé le pardon. Dans ces conditions, na'am. Tout en sachant qu'il y a un avis qui dit que le pèlerinage absout tous les péchés sans exiger ces conditions-là. Lakin, ce qui est juste, wallahu a'lam, c'est comme ça. Car les grands péchés, il n'y a rien qui permet de les absoudre que le repentir sincère ou l'islam. Et même l'islam, yani quand quelqu'un est entré en islam et il a des droits aux créatures, il doit leur rendre leurs droits. Vous imaginez, même avec l'islam, qui est un effacement de tous les péchés, sauf les péchés, les droits des créatures, qu'il a encore. Quelqu'un a volé l'objet d'un kafir pendant sa mécréance. Il est entré en islam. Il doit rendre cet objet à son propriétaire. Le Nabi alayhi salam a dit également: Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah, sincèrement, et pendant son pèlerinage, il n'a pas commis de rafath, ni rafath, c'est les rapports et leurs préliminaires, ainsi que les propos grossiers. Walam yafsuq. Il n'a pas commis de péché, de déviance pendant son pèlerinage, il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde, avec les conditions qui ont été citées précédemment. Le pèlerinage, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses grands objectifs également, c'est la concrétisation de taqwa. At-taqwa, c'est pas une parole avec la langue. At-taqwa, c'est des choses, des pratiques, des croyances. At-taqwa, ça se résume dans le délaissement de ce que Allah t'a interdit et l'obéissance à ses ordres. At-taqwa, comme on a déjà vu, c'est de placer entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala une barrière, une protection. Et cette protection, c'est de s'exécuter à ses ordres et de s'éloigner de ses interdits. Donc taqwa, c'est avec l'accomplissement des obligations et l'éloignement des grands péchés. C'est ça taqwa. Et celui, en plus de cela, qui accomplit les actes surrogatoires et qui délaisse les choses détestables, c'est un degré supérieur. Mais la base de taqwa, c'est avec les ordres et les interdits. Les ordres et les interdits. Taqwa, c'est avec le degré obligatoire de la foi. Le degré obligatoire de la foi. Et les gens qui réalisent taqwa et qui réalisent ce degré obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis et qui ne seront pas châtiés. Celui qui rencontre Allah avec l'accomplissement de toutes ses obligations sur lui et le délaissement de tous ses interdits, celui-là, il ira au paradis directement sans être châtié dans le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis cela. Lakin, si il rencontre Allah avec un degré inférieur à celui-là, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie proportionnellement à ses péchés, du moment qu'il a toujours tawhid. Amma celui qui n'a pas de tawhid, celui-là, c'est l'enfer directement, il n'y a ni jugement ni châtiment. Il n'y a ni jugement ni compte à rendre. C'est directement, il va en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et taqwa, dans la meilleure des définitions qui ont été données à taqwa, c'est la définition de Talq ibn Habib qu'on a vu, je pense, hier. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تقوى c'est ça. C'est d'œuvrer avec l'obéissance d'Allah, avec science, en espérant sa récompense. Et non pas comme disent certains égarés, oh Allah, je ne t'adore pas en espérant le paradis, mais je t'adore par amour. Naam, adore Allah avec amour, c'est nécessaire. Lakin, pourquoi Allah a créé le paradis? Et pourquoi il a promis à ses serviteurs obéissants qu'il l'aime et que lui aime également, pourquoi il leur a promis le paradis? Ça, c'est des mutanatta'in qui disent des choses que les prophètes même n'ont pas dit. Et ils pensent bien faire à cause de l'ignorance. Et ça, c'est des sauvés en général qui disent des choses comme ça. Oh Allah, je ne t'adore pas en espérant ton paradis, ni par crainte de ton enfer. Je t'adore par amour. Ça paraît beau. Lakin, ça contient de l'égarement. Donc, et l'autre moitié de taqwa, c'est de délaisser les interdits. De délaisser les péchés, avec science également, par crainte du châtiment d'Allah. C'est ça, taqwa. Allah Azza wa Jal dit, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez des provisions, et sachez que la meilleure des provisions, c'est التَّقْوَى. La meilleure des provisions, c'est التَّقْوَى. الله عز وجل دي également ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Dans le sens approximatif, c'est cela qui est décrété, quiconque respecte grandement les rites prescrits par Allah, son attitude relève de la piété des cœurs. Son attitude relève de la piété des cœurs. Naam, car taqwa, sa base, c'est dans le cœur. Et elle se manifeste sur les membres et sur les propos et les paroles. Taqwa, sa base, c'est dans le cœur. C'est pour ça que le Nabi sallam a dit At-taqwa hauna. Il a indiqué sa poitrine. At-taqwa, sa base, c'est dans le cœur. Mais c'est pas possible que le cœur soit rempli de taqwa et que l'apparence est remplie de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands objectifs du pèlerinage, c'est l'accomplissement de dhikr. Et ça, c'est pas spécifique également, mes frères, à l'adoration du pèlerinage. Mais dans le pèlerinage, c'est quelque chose de manifeste. Tout ce qu'on dit, c'est commun à toutes les adorations. Lakin, dans le pèlerinage, depuis que tu rentres dans l'état de sacralisation, jusqu'à ce que tu termines ton pèlerinage le 13e jour du mois de l'Hijja, et toi t'es dans dhikr, et dans talbiya, et dans l'adhkar, takbir, tahlil, alhamd, et ainsi de suite. La récitation de l'Qur'an, et ainsi de suite. Donc ça, c'est parmi les grands objectifs du pèlerinage. Et ça, c'est un objectif, comme j'ai dit, commun à toutes les œuvres pieuses, à toutes les adorations, même toutes les adorations. Écoute bien, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, écoute bien, toutes les adorations ont été légiférées pour l'accomplissement de dhikr. Salat, qui est la meilleure adoration pratique et la meilleure adoration après tawhid dans l'islam, elle a été légiférée afin d'accomplir l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas lu le verset dans lequel Allah dit « Wa aqimis salat ala dhikri » Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Accomplis la salat pour mon évocation. Dans le pèlerinage, Allah dit « فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ » Quand vous déferlez de Arafat, évoquez Allah à côté de l'Mash'ar al-Haram. Mash'ar al-Haram, c'est Muzdalifa, ou c'est un endroit particulier à Muzdalifa où ils ont construit la mosquée aujourd'hui. Et le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الطواف النبي عليه الصلاة والسلام nous dit que الطواف, طواف autour de la maison sacrée d'Allah, autour de الكعبة, et الطواف بين الصفا والمروة, et les allers-retours entre الصفا et المروة, les deux monts, et la lapidation des stèles, tout ça a été légiféré, a été prescrit pour l'accomplissement de dhikrullah, Allahu Akbar. Et il faut savoir que ces trois adorations parmi les rituels du pèlerinage qui ont été cités dans ce hadith, c'est pas pour montrer que c'est uniquement ces trois-là qui ont été légiférés pour cela, mais ils étaient cités à titre d'exemple seulement. Mais sinon, tous les rites du pèlerinage ont été légiférés pour cette sagesse. C'est pour ça, la meilleure adoration dans l'islam, c'est dhikr. Et dhikr, c'est ce qui te permet de voir ta proximité d'Allah. Et comment t'es avec Allah? Regarde comment elle est ta langue dans dhikr. Dhikr, il se fait avec la langue, il se fait avec le cœur. Et le meilleur, c'est celui qui, où les deux sont en parfaite harmonie. Celui qui combine les deux. Tu évoques avec ta langue et tu médites avec ton cœur. Ça, c'est le degré le plus élevé. C'est pour ça que Nabi Aïssa Salam a dit aux compagnons un jour, il leur a dit, vous ne voulez pas que je vous montre quelle est l'œuvre la plus aimée par votre Seigneur et qui est la plus haute dans vos degrés et qui est meilleure pour vous que de rencontrer vos ennemis et de les tuer qui vous tue, et qui est meilleur pour vous que de dépenser l'or et l'argent. Ils ont dit quoi? C'est quoi, mon messager d'Allah? Étonné. Il y a quelque chose qui est meilleur que tout ce que tu as cité? Naam, dhikrullah. Et quand tu comprends ce que l'imam Ibn al-Qayyim a dit, il a dit que les meilleurs des gens dans chaque acte d'adoration sont ceux qui évoquent Allah le plus dans cet acte d'adoration. Quand tu comprends cette règle-là, ça t'aide à comprendre que na'am, dhikrullah, c'est la meilleure des adorations. C'est meilleur que le jihad, oui, car le jihad, il a été légiféré pour dhikrullah, pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et les meilleurs des mujahideen, c'est ceux qui évoquent Allah le plus dans leur jihad. Les meilleurs des jeûneurs, du sa'imin, c'est ceux qui évoquent Allah le plus dans leur siyam, les meilleurs de ceux qui font salat, et ainsi de suite. C'est une règle à laquelle il n'y a pas d'exception dans l'islam. On termine avec un dernier parmi les objectifs du pèlerinage, ou peut-être que le temps... Taïb, on va citer ce dernier point, ce dernier, ni parmi les grands objectifs du pèlerinage, c'est l'augmentation de la foi. Car la foi, chez Ahl-Sunnah wal-Jama'a, est-ce que la foi, elle est dans le cœur uniquement? Est-ce que la foi est dans le cœur? Naam, j'ai dit, La foi, elle est dans le cœur, mais pas uniquement dans le cœur. Mais sa base, elle est dans le cœur. C'est pour ça, quand le cœur est réformé, quand le cœur est rempli de foi, les membres suivent. Et ça, c'est Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a, contrairement au Murji'a. Ou le Jahmiya, ou les différentes sectes qui se sont égarées dans la notion de la foi. La notion de la foi chez Al-Sunnah al-Jama'a, qawlun bil-lisan, wa tasdiqun bil-jinan, wa amalun bil-arkan, tazidu bita'ati al-Rahman, wa tanqusu bita'ati al-Shaytan. Comme a dit le frère Yassine, jazahullahu khayran. Donc la foi, mes frères, c'est une croyance, et c'est des paroles et des actes qui augmentent et qui diminuent. Et ça, chaque musulman, chaque croyant, il le sent. Il sent, il ressent, chaque musulman, il le ressent. Il ressent quand sa foi augmente et quand il a beaucoup de facilité dans les adorations. Et il ressent quand sa foi est faible, il a du mal, il doit faire beaucoup d'efforts pour faire une adoration. Ça, c'est des signes de l'augmentation de la foi. Quand sa foi est forte, il aide ses frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, c'est comme un cercle. Yani, ce sont des actes qui augmentent la foi, et quand la foi augmente, tu feras ces actes-là. Et ça va augmenter ta foi. Donc la foi, elle augmente et elle diminue. Elle devient forte et elle s'affaiblit. C'est comme ça chez Al-Sunnah wal-Jama'a. Et le pèlerinage absout ce qui l'a précédé. Et le pèlerinage accepté, il n'a de rétribution que le paradis. Celui qui accomplit son pèlerinage sans tomber dans des actes interdits d'une manière générale, sans commettre de péché d'une manière générale, il sortira de son pèlerinage, il le terminera dans le même état dans lequel il est venu dans ce monde, c'est-à-dire avec zéro péché. Allahu Akbar. Donc, le pèlerinage est une expiation des péchés. De la même façon que le forgeron purifie le fer rouillé avec le pistolet, avec le feu, le soufflet. Il l'appelle le soufflet. Le forgeron, quand il veut nettoyer une pièce métallique, il va la frapper avec son soufflet et ça va devenir pur. Et ça va la débarrasser de la rouille. De la même façon, le pèlerinage, il nettoie ton cœur. Il le purifie des péchés. Donc c'est pour ça le pèlerin, il doit multiplier les invocations qu'Allah augmente sa foi et l'aide dans son pèlerinage. Allah Azza wa Jalla dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Allah est proche de celui qui l'invoque. Il exauce son invocation. Il est proche de celui qui l'adore. Il le rétribue, il le récompense sur son adoration. Et les pèlerins et les mu'tamirines sont les invités d'Allah. Il les a appelés et ils ont répondu à son appel. Et lui ont demandé, il leur a donné. Et il a exaucé leur demande. C'est pour ça le pèlerinage, c'est une adoration dans laquelle tu dois faire beaucoup d'invocations. Tu es l'invité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah est le meilleur de ceux qui ont honoré leurs invités. Alors demande, et demande les choses les plus importantes. Car à travers tes demandes, on voit ta volonté. et la force de ta volonté. Il y en a qui demandent que dunya, c'est autorisé. Mais dunya, depuis son début jusqu'à sa fin, ne vaut pas l'aile d'un moustique. Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu connais un hadith du Nabi alayhi salatu wassalam dans lequel il a demandé dunya? Donne-moi 1000 euros, donne-moi une voiture. Par contre, tu trouves que le Nabi alayhi salam a demandé des choses de dunya. La règle de base du Nabi alayhi salam, il demande que l'akhira. Réformer son cœur, l'aider dans sa religion. Mais quand il demande des choses de dunya, ce sont des choses qui aident dans l'akhira. Uniquement. Mais dunya pour dunya, ça n'existe pas dans les invocations du prophète alayhi salatu wassalam. Lakin, c'est autorisé. Quelqu'un, il nous dit, est-ce que c'est autorisé que je demande à Allah de m'accorder une voiture de luxe? Demandez, akhi. Y a pas de souci. Lakin, si t'as une voiture de luxe, fais attention à ton cœur et à ta modestie. Et ne te remplis pas d'orgueil et ne méprise pas les gens qui ont des toutes petites voitures. Ça, c'est pas des choses faciles. La modestie, elle vient facilement quand t'as des moyens modestes. C'est pour ça, parmi les pires des gens, c'est un pauvre orgueilleux. Car le riche, il a de quoi devenir orgueilleux. Ça va avec la nature de ses possessions et de ses biens. Mais le pauvre, pourquoi il devient orgueilleux? Celui-là, il n'a pas d'excuse. Ça veut dire, c'est un signe d'une grande maladie dans son cœur. Il aime le péché. Par contre, l'autre, il a des causes qui l'orientent dans ce péché. Et ça, c'est une règle dans tous les péchés. Quand il y a des choses, des causes pour que tu tombes dans un péché, c'est pas comme quelqu'un qui n'a aucune cause pour tomber dans ce péché-là. Il y a encore moins de tolérance à son égard. Voilà, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Nous terminerons, inshallah, demain avec quelques autres objectifs du pèlerinage, bi'idhnillahi ta'ala, avant d'aborder la jurisprudence du pèlerinage. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.